fini par m'oublier. Je me doutais pas non qu'un jour tu aurais débarqué. Jour et nuit tu es dans mes pensées. Je suis aidé, déboussolé, aidé, déboussolé par ton corps, ta beauté. Je me sens désarmé. Je ne sais plus quoi dire. Tu es si belle que parfois tu me sembles être irréel. Quand je vois tes yeux, je me sens fou, je suis amoureux. Je veux à tout prix être l'homme de ta vie. Je me sens désarmée.